En dehors des heures d'ouverture, les magasins sont fermés. La plupart des importations viennent de l'étranger. Quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. Avec le 85, on paye son carburant deux fois moins cher pour ne pas le payer deux fois plus cher. Certaines choses sont évidentes. Avec Ford, faites des économies à chaque passage à la pompe en choisissant le Ford Puma hybride 85, le SUV malin et connecté. Ford. Comparez le prix des carburants sur prix-carburant.gouv.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, une émission qui tutoie les sommets, quelquefois, une aventure à plus de 7000 mètres d'altitude, avec le récit de l'opération de sauvetage de l'alpiniste française Elisabeth Revol dans l'Himalaya au mois de janvier 2018. Cette histoire aurait pu et aurait dû être celle d'un exploit réalisé par deux compagnons de cordée, alpinistes passionnés et très expérimentés, Tomek et Elisabeth. Lui était polonais, elle française. Ensemble, ils avaient scellé leur relation d'amitié autour d'un même rêve, gravir l'un des plus hauts sommets de la planète, sans oxygène et sans assistance, dans le plus pur respect de ce qu'on appelle le style alpin. Cette montagne, qui les fascinait autant qu'elle les attirait, c'est le Nanga Parbat. Situé au Pakistan, son sommet culmine à plus de 8125 mètres d'altitude, et son ascension est réputée comme étant l'une des plus dangereuses de tout le massif himalayen. Et ensemble, ils réalisent enfin leur rêve qui bascule en une fraction de seconde en un cauchemar éveillé. Ensemble, ils font alors face à la peur et à la mort. À Paris et à Chamonix, une course contre la montre s'engage pour tenter de les ramener en vie. Ce fut le cas pour l'une, mais pas pour l'autre. Notre invité aujourd'hui, Yves Balu, historien de la montagne, il nous attend à Grenoble. Affaires Sensibles, l'émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Flora Bernard. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Donc aujourd'hui, on est le 20 janvier, et ils annoncent pas un peu moins de vent, le 24, donc on verra. Comment ça va, Tomek? I am very well. Je vais très bien. Hello everybody. Hello tout le monde. It's nice here. On est bien là. Camp 2. Au camp 2. Tomorrow we Demain on va au camp 3 et on espère être capable d'attaquer le sommet. It's very warm here. Il fait bon là. Je ne sais pas combien il fait, mais il fait bon. Looks like it's very warm. Yeah. Oui, c'est mieux que les autres fois. Yeah. Good. À demain les amis. Samedi 20 janvier 2018, massif du Nanga Parbat, chaîne de l'Himalaya. À 5950 mètres d'altitude, isolés des bourrasques de vent par leur toile de tente, recroquevillés et emmitouflés dans leur épais sac de couchage pour tenter de se réchauffer, les alpinistes Elisabeth Revol et Tomek Majovics se filment quelques minutes avec leur petite caméra GoPro. Après une longue et intense journée d'ascension sur les pentes escarpées, entrecoupées de couloirs d'avalanche et exposées aux chutes de pierre, les deux compagnons d'aventure partagent leur ressenti et surtout leur optimisme que vous venez d'entendre. Parce que ce n'est pas la première fois que Tomek, grand gaillard polonais de 43 ans, père de trois enfants, et Elisabeth, française à la silhouette frêle et longiligne de 38 ans, partent ensemble gravir le Nanga Parbat. Elle et lui, c'est une amitié au long cours et une solide expérience de l'alpinisme à très haute altitude. Mieux que quiconque, Tomek et Elisabeth connaissent les risques et les dangers de la montagne, et plus particulièrement de cette montagne. Par deux fois, ils ont accepté de renoncer, et pourtant, lors de ces deux tentatives, ils étaient à tout juste 400 mètres de l'arête sommitale lorsqu'une météo dantesque les a contraints à rebrousser chemin. Si ce sommet les fascine, ce qui paraît clair, Elisabeth et Tomek ne viennent pas en Himalaya pour chercher la mort, ou la défier, non. Non, ils viennent ici pour tenter de réaliser un exploit. À savoir, la première ascension hivernale du Nanga Parbat en style alpin, c'est-à-dire une ascension sans porteur, sans camp préinstallé, sans corde fixe, sans oxygène, et surtout sans équipe d'appui pour leur porter assistance. Un pari évidemment risqué, Et surtout, une certaine idée des conditions extrêmes. Après tout, hein, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Cette option incarne la plus pure pratique de l'alpinisme, même si la sémantique dit tout, alpine. Celle qui permet en tout cas à l'homme de se mesurer à l'immensité de la montagne et de la respecter, comme l'écrivait le célèbre guide Gaston Rebuffa. Cette pratique symbolise aussi, et pour beaucoup, l'exploit sans filet, où la moindre erreur peut coûter la vie. Le maître mot est donc rigueur. Pour Tomek, ce choix de s'engager de la manière la plus dépouillée qui soit pour rejoindre le sommet n'est qu'un moyen de renforcer la magie de l'ascension. Comme il le confirme en 2013 à des journalistes, le Nanga Parbat est pour lui un endroit unique. Je ne peux pas dire que ce soit un plaisir d'escalader cette montagne en hiver. C'est vraiment dur. C'est pas un plaisir. Même si parfois on a une belle vue, ça c'est vrai. En fait, la belle vue, tu t'en fous quand t'as les orteils presque foutus. Mais l'ascension est incroyable. C'est tellement beau. C'est comme un frigo géant. Avec des centaines de tonnes de glace. Et toi, tu es dedans. Lorsqu'on regarde une carte des massifs himalayens, difficile de manquer le Nanga Parbat. 9e plus haut sommet du monde, il se détache par son aspect immense et solitaire. Son sommet, en effet, trône seul sur la partie occidentale de l'Himalaya, à l'opposé du massif de l'Everest et de l'Annapurna. Situé dans la région des plaines du Cachemire et des gorges de l'Indus, le Nanga Parbat trône sur un territoire contrôlé par l'armée pakistanaise. Ici donc, rien ne se fait sans l'accord des militaires. Eux seuls d'ailleurs disposent d'hélicoptères et de matériel de secours pour tenter une évacuation. Mais le Nanga Parbat, c'est aussi et surtout un endroit à l'étrange réputation. Certains l'appellent ici Diamir, pour roi des montagnes. D'autres affirment que le massif et son sommet seraient maudits et hantés par la mort. Dans la vallée, on trouve plusieurs panonceaux métalliques de couleur bleue, sur lesquels on peut lire la mention suivante « Montagne tueuse sur votre gauche ». Comme ça, c'est clair. Et les chiffres le confirment. Depuis la première ascension réussie à l'été 1953, plus de 70 alpinistes ont trouvé la mort sur les flancs du Nanga Parbat. Ce qui en fait l'un des sommets les plus meurtriers au monde. Pire encore, en 2013, le camp de base est la cible d'un attentat islamiste. Des talibans pakistanais assassinent 11 alpinistes occidentaux. Alors, le Nanga Parbat est-elle une montagne tueuse? Non, répond l'écrivain et historien de l'alpinisme Charlie Buffet. Ce sont les hommes qui viennent se confronter à une montagne qu'ils savent dangereuse. Le Nanga Parbat ne prémédite rien, ajoute Buffet. Pourtant, le cliché est inusable. L'alpinisme passe toujours pour un combat. Il faut vaincre la montagne ou elle vous tue. Tomek et Elisabeth sont bien loin de cette rhétorique macabre. S'ils sont là, ce n'est pas pour une quelconque fascination de la mort, mais bien parce qu'ils sont remplis d'une quête intérieure que personne à part eux ne peut vraiment saisir. Comme le reconnaîtra d'ailleurs plus tard Elisabeth, au micro de Philippe Collin, de France Inter, ils avaient tous les deux ce virus de la grimpe. Et pas question de se faire vacciner, si j'ose dire. Qu'est-ce qu'on va chercher quand on grimpe aussi haut, Elisabeth Revol? C'est vraiment compliqué, en fait, à dire ce type d'émotion et à trouver les mots par rapport à ce type d'émotion, parce que c'est tellement fort, tellement intense, moi, j'ai même du mal, en fait, à trouver mes mots. Clairement, à 90 mètres du sommet, moi, ce qui m'a submergé, c'est l'émotion. L'émotion que allait procurer, justement, cette ascension, la finalité de cette ascension et le sommet. Et ça, on y a goûté. Et une fois qu'on y a goûté, eh ben, on en veut encore. Traduction possible, les alpinistes sont des conquérants de l'inutile. Ils vont là où personne n'est censé aller. Ils vont là où personne ne devrait aller. Et ils y vont en sachant que leur voyage peut être sans retour, écrivait dans ses mémoires le célèbre guide et alpiniste français Lionel Terray en 1965. En tout cas, et en cette fin du mois de janvier 2018, sur les pentes du Nanga Parbat en Himalaya, les alpinistes Elisabeth Revol et Tomek Maksuvix ont mis toutes les chances de leur côté. Elisabeth sort d'une incroyable saison d'automne où elle a tenté l'ascension de 3 8000 et elle a d'ailleurs réussi à atteindre le sommet du Lhotse à 8516 mètres sans oxygène. Alors arrivée au Pakistan fin décembre, pour cette troisième tentative du Nanga Parbat, la météo est mauvaise, la visibilité médiocre. Tiens donc. Alors, pendant 3 semaines, Elisabeth et Tomek patientent et espèrent que ce qu'on appelle une fenêtre d'ascension, comprenez quelques jours de beau temps pour avoir assez de visibilité, va enfin arriver afin de monter et redescendre. Lorsque cette fameuse fenêtre se présente, aucune hésitation ne se lit sur leur visage. Elisabeth et Tomek sont plus déterminés que jamais. C'est ainsi qu'au matin du mercredi 24 janvier, les deux compagnons de cordée quittent le camp 3, situé à plus de 6800 mètres d'altitude, et partent pour gagner le plateau supérieur du glacier du Diamir. Protégés par leurs épaisses combinaisons, Elisabeth et Tomek se frayent un chemin dans cette immensité devenue monochrome. L'épaisse couche de neige et le manque d'oxygène à cette altitude font de chacun de leurs pas une épreuve. Autour d'eux résonnent des craquements et autres bruits inquiétants. Dans cet univers où l'homme ne maîtrise rien de son environnement, l'ascension est rythmée par les chutes des séracs, de larges plateaux neigeux qui s'effondrent sous leur propre poids et qui sont souvent le point de départ de gigantesques avalanches. Une fois atteints les 7300 mètres, nos deux alpinistes installent leur tente dans une crevasse pour se protéger du vent dont les rafales soufflent à plus de 100 km/h. Elisabeth sort alors de son sac une sorte de petite télécommande avec une antenne et un écran. Cet objet, qui ressemble à un téléphone portable de première génération, c'est l'Inreach, leur sésame. Il est le seul moyen pour Elisabeth et Tomek de communiquer avec le monde extérieur. Cet appareil peut aussi transmettre leur position grâce à une puce GPS. Mais si son utilisation nécessite de retirer les gants, elle est donc rendue quasi impossible à l'extérieur de la tente. De plus, l'autonomie restreinte de l'appareil les oblige à ne s'en servir qu'à minima et à écrire de très courts messages. Le mercredi 24 janvier au soir, voici celui qu'envoie Elisabeth à son mari resté en France. Tout va bien, nous sommes au camp 4. Tant de merde autour, beaucoup de neige, beaucoup de vent, mais ok, on ne voit pas à 2 mètres. Jeudi 25 janvier. Il est environ 4h30 du matin lorsque les premiers rayons du soleil éclairent les pentes enneigées du Nanga Parbat. Dans la tente d'Elisabeth et de Tomek, le halo des deux lampes frontales illumine l'air embrumé par les vapeurs de la respiration. Et le réveil est glacial. À cette altitude, la température à l'extérieur ne dépasse pas les moins 20 degrés. Les deux alpinistes allument leur réchaud pour faire bouillir de l'eau et se réchauffer les pieds. Car c'est aujourd'hui, si la météo le permet bien sûr, qu'ils sont censés trouver une fenêtre d'ascension et donc rejoindre le sommet 800 mètres plus haut. À mesure que les heures passent, le ciel apparaît clair, dégagé. Elisabeth et Tomek décident donc de tenter leur chance. Pour cette ultime étape, ils s'allègent au maximum. Ils abandonnent leur sac et leur tente dans une crevasse. Ils n'emportent avec eux qu'un litre d'eau chacun et quelques barres de céréales. Elisabeth prend un petit sac en bandoulière avec une petite pharmacie d'urgence, sa caméra GoPro et son téléphone Inreach protégé sous sa combinaison. Il faut en théorie 10 heures pour rejoindre l'arête sommitale située, rappelons-le, à 8125 mètres. Elisabeth et Tomek estiment qu'ils seront capables dans ces conditions d'être revenus à leur petit campement de fortune à la tombée de la nuit. À 7h30, ils se mettent en route. Tomek, comme à son habitude, part devant. Elisabeth le suit un peu plus loin derrière. Et tous les deux marchent à un rythme lent, dans plus de 50 cm de neige. Leur visage est protégé par des masques de ski et leur tête recouverte par la capuche de leur combinaison. Ici, à cette altitude, le paradoxe pour le corps humain est saisissant. Le vent froid fait geler en quelques minutes tout ce qui n'est pas protégé. Le soleil, lui, brûle en quelques secondes tout ce qui n'est pas recouvert. Les deux alpinistes ont beau être parfaitement acclimatés, Tomek a confié la veille qu'il ne se sentait pas bien. Depuis leur départ du camp de base, en effet, il est pris de nausées et surtout, il est, dit-il, perturbé. Oui, il parle à Elisabeth de ses enfants, il lui fait part également de cette voix qu'il entend venir de la montagne. Des symptômes sans doute liés à la fatigue et à l'altitude, estime la jeune femme. Des heures durant, Elisabeth et Tomek se suivent sans se parler. Ils avancent tels deux automates, en répétant inlassablement les mêmes mouvements. Chaque pas les rapproche un peu plus du sommet. Chaque pas les délivre un peu plus de cet effort épuisant qui ronge les organismes et affaiblit l'esprit. Il est 5 heures. On va peut-être finir de nuit. Mais je pense qu'on va finir. Thomas qui arrive. Et c'est pas mal nuageux aujourd'hui. Mais on va terminer ce sommet, je pense. Probablement de nuit. Après une journée de marche, il est un peu plus de 17 heures lorsqu'Elisabeth retire l'un de ses gants et se saisit de sa petite caméra GoPro. Le bras tendu, elle filme autour la pyramide sommitale du Nanga Parbat, là, à tout juste 90 mètres. En contrebas, on aperçoit la silhouette noire de la combinaison de Tomek à contre-jour. Le Polonais se rapproche très lentement. Une heure plus tard, il fait nuit lorsqu'il la rejoint enfin au sommet. Ils avaient tant rêvé de ce moment, se retrouver seuls à la verticale du vide à célébrer leur exploit. Mais l'étreinte et la joie tant attendues n'auront pas lieu. La photo de l'exploit non plus. Non, à l'inverse, c'est un brutal sentiment de peur qui les envahit tous les deux. Car lorsque Tomek arrive à hauteur d'Elisabeth, il lui explique qu'il ne voit plus rien. Le Polonais est frappé de cécité, impossible pour lui d'aller plus loin ou même de redescendre seul. Alors, épuisement, brûlure de la rétine ou syndrome aigu du mal des montagnes. Impossible sur le moment de le dire. Une chose est certaine, dans cet univers hostile où la visibilité se réduit avec l'arrivée de la nuit et où l'oxygène se fait rare, la jeune femme n'a pas le temps de penser. Non, elle doit agir, elle doit décider pour Tomek, maintenant. Plus tard, toujours au micro de Philippe Collin, elle explique justement ce qu'a été sa stratégie pour éviter d'être submergée par la peur. Quand on est dans des situations en fait, comme ça en montagne, si on perd l'espoir, c'est terminé. Et à partir de ce moment-là, moi, c'est sûr que je me suis effondrée. Au sommet, je me suis effondrée, il y a l'adrénaline qui a joué, voilà. Mais après, à partir de ce moment-là, soit on se projette et on se dit « Ok, on y va par étapes ». Et en premier, ben, on rejoint le couloir, et puis ensuite, on rejoint la zone mixte. Et puis, et en fait, du coup, j'ai fractionné, j'ai instauré une espèce de routine en me donnant des objectifs qui n'étaient pas trop loin. Et ça, c'est obligatoire. Sinon, si, forcément, si on se donne le camp de base, c'est terminé. Parce qu'on ne sait pas dans combien de temps on va y arriver, on sait que ça va être terrible. Mais en fractionnant les choses, ça permet de sauver, ça permet de rester dans une positive, dans une dynamique positive. Et si on croit à la vie et qu'on a cet espoir à la vie, c'est ce qui nous fait tenir. Contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, la redescente d'un sommet réputée pour être une étape plus fastidieuse, plus piégeuse et encore plus dangereuse que la montée. La neige recouvrant crevasses et rochers saillants, la fatigue occasionnant des pertes d'attention, la baisse de la luminosité provoquant parfois des pas mal assurés et donc des chutes, ça fait beaucoup. Dans le cas d'Elisabeth et Tomek, ce trajet retour se transforme en marche infernale. Différence de gabarit oblige, il est très difficile pour Elisabeth de supporter le poids de son compagnon cordé. Les 1m56 et les 40 kg de la Française ne peuvent soutenir la comparaison face aux 1m85 et aux 75 kg du Polonais. Malgré tout, elle lui prend le bras, tente de lui faire prendre appui sur son épaule. Près d'une heure leur est nécessaire pour se dégager de l'arête sommitale du Nanga Parbat et entamer la lente descente vers leur campement. Au fil des minutes, le mal qui ronge Tomek se fait plus visible. Les symptômes se multiplient. Le Polonais n'arrive plus à serrer ses mains et doit abandonner son piolet. Son nez devient blanc. Il est en train de geler. Du sang s'échappe de sa bouche et gèle sur barbe. Tomek reste tout de même lucide. Il peut parler, il peut répondre aux questions d'Elisabeth, mais son corps, lui, semble l'avoir abandonné. Il ne peut plus marcher. Lui, qui n'avait jusqu'alors jamais pris le moindre médicament en montagne, accepte quelques comprimés d'un puissant corticoïde. Puis il demande à Elisabeth un cachet qu'il avait lui-même mis dans la trousse à pharmacie de secours, en cas de problème. Sorte de médicament de la dernière chance, probablement une amphétamine. À 22h, dans la nuit noire, balayée et bousculée par les rafales de vent glacial, les deux alpinistes tentent encore de se frayer un chemin pour rejoindre leur tente. À 1h du matin, ils sont cette fois à 7300 mètres, quasiment à hauteur de leur dernier campement. Épuisés, ils s'installent dans une crevasse pour se protéger du vent et se reposer un peu. Dans le récit qu'elle fera après coup, Elisabeth expliquera ce qu'elle a ressenti à ce moment précis. Je le protégeais dans mes bras. J'étais dans un état d'angoisse maximale, de peur, de néant, mais je ne devais pas lui montrer. Je lui parlais d'Anna, sa femme, de ses enfants qu'il allait bientôt revoir, du sommet atteint, du travail qu'il attendait en Irlande, mais il répondait peu. Je suis sortie du trou pour être seule et faire le point. Toute la nuit durant, Elisabeth ne dort pas. Elle frictionne comme elle le peut la combinaison de son compagnon cordé pour tenter de le réchauffer. Le lendemain matin, elle doit pourtant se rendre à l'évidence. Tomek a les pieds et les mains gelés. Il ne peut donc plus marcher. Sa barbe est recouverte de coulures de sang gelé. Il est désormais totalement aveugle. Alors, des heures durant, elle part à la recherche de leur tente et de leur matériel, mais rien. La neige a recouvert les crevasses. Impossible de retrouver leurs affaires. Lorsqu'elle revient aux côtés de Tomek, ce dernier est à moitié comateux. Dans la nuit, elle avait déjà envoyé un premier SOS grâce à Linrich, à Ludovic Gambaz et son ami, routeur météo et aussi coordinateur de ses expéditions. À midi, elle lui envoie un second message. Tomek est dans une situation terrible. Il ne peut pas marcher. On n'a pas pu rejoindre la tente. Faut l'évacuer au plus vite. Quand il reçoit le message d'alerte sur son téléphone, Ludovic Gambiesi est au volant de sa voiture dans le massif des Écrins, en France. Il fait alors demi-tour pour rejoindre son bureau à Gap. Et c'est de là qu'il va tenter de mettre au point une incroyable opération de sauvetage sur les pentes du Nanga Parbat. Was in another lifetime, one of toil and blood, when blackness was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. And if I pass this way again, you can rest assured I'll always do my best for her, on that I give my word. In a world of steel-eyed death and men who are fighting to be warm, come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Not a word was spoke between us, there was little risk involved. Everything up to that point had been left unresolved. Try imagining a place where it's always safe and warm. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. I was burned out from exhaustion, buried in the hail, poisoned in the bushes and blown out on the trail. Hunted like a crocodile, ravaged in the corn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Suddenly I turned around and she was standing there, with silver bracelets on her wrists and flowers in her hair. She walked up to me so gracefully and took my crown of thorns. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Affaires sensibles sur France Inter. Nous vous parlions hier de l'alpiniste dromoise Elisabeth Revol, en danger dans l'Himalaya suite à l'ascension d'un sommet. Elle était en difficulté à 5000 mètres d'altitude avec son compagnon de cordée. D'après nos confrères du Dauphiné Libéré, une opération de secours par hélicoptère aurait échoué aujourd'hui à la rejoindre. Vendredi 26 janvier 2018. Depuis le milieu de la nuit en France, les messages changent chaîne sur le groupe WhatsApp des proches d'Elisabeth et de Tomek. Ludovic Gambiesi, en contact direct avec Elisabeth via Linrich, donne les dernières nouvelles des deux compagnons de cordée, toujours coincés à plus de 7300 mètres d'altitude sur les pentes du Nanga Parbat. L'état de Tomek ne s'arrange pas. L'angoisse d'Elisabeth, elle, augmente d'heure en heure. Présent dans ce groupe WhatsApp, on trouve le mari d'Elisabeth, la femme de Tomek, l'agent pakistanais en charge de la logistique sur place, Masha Gordon, la mécène qui soutient les projets d'Elisabeth en Himalaya, ainsi que les consuls de France et de Pologne à Islamabad. Toutes les décisions sont discutées et validées en commun, la principale option étant de solliciter un secours par voie aérienne. Dans la région, seule la compagnie pakistanaise Askari Aviation dispose d'hélicoptères capables de voler à cette altitude. Le prix d'une telle opération, $12,000 américains. Et le problème, c'est que plus les heures passent, plus les Pakistanais commencent à faire monter les enchères pour la location de leurs hélicoptères et de leurs pilotes. Pire, ils réclament d'être payés intégralement en cash avant le départ. La mécène Masha Gordon lance alors une souscription de financement participatif sur Internet. Via les forums d'alpinisme sur Facebook, la nouvelle drame que vivent Tomek et Elisabeth se répand et l'argent afflue des quatre coins du monde. Ainsi, en l'espace de quelques heures, le montant demandé par les Pakistanais est atteint. Mieux encore, informés du drame qui est en train de se jouer à des dizaines de kilomètres de leur position, l'équipe nationale d'alpinisme polonaise, emmenée notamment par deux légendes de l'Himalaya, Denis Urubko et Adam Bielecki, décident d'abandonner leur objectif d'ascension du K2 et de se porter volontaire pour partir aider Elisabeth et Tomek. Sur place, à Islamabad, au Pakistan, le consul de Pologne vide le coffre de l'ambassade et demande au personnel de la représentation diplomatique de lui donner autant de cash que possible. Le consul se précipite ensuite au siège de la société Askari Aviation et il le rejoint sur place par son homologue français. Mais une fois sur place, nouveau problème, la grande prière du vendredi vient de commencer dans tout le Pakistan. Alors, le temps se fige, tout comme les hélicos. Personne ne viendra à l'aide d'Elisabeth et Tomek aujourd'hui. Au même moment, sur les pentes du Nanga Parbat, grâce à son téléphone satellite InReach, Elisabeth continue d'échanger avec Ludovic. Ce dernier la convainc de laisser Tomek et de descendre seul à 6300 mètres d'altitude afin d'être secouru en premier. Ensuite, eh bien, les hélicos viendront chercher Tomek. Voilà le plan d'opération de sauvetage. Après des heures d'échange, Elisabeth accepte. Mais avant de partir, elle tente d'installer Tomek aussi confortablement que possible dans la crevasse. L'alpiniste polonais est gelé. Il ne peut plus bouger ses mains. Sa voix a changé, mais il est encore conscient. Afin de redescendre plus vite, Elisabeth s'engage alors dans la voie Kinshofer. Quelques heures plus tard, elle fait face à un mur vertical qui se dresse en dessous d'elle. Seule, sans corde et sans piolet, elle ne peut pas s'engager plus loin. Alors elle se recroqueville dans une crevasse pour se protéger du froid. Et l'attente solitaire commence. Elle, qui n'a rien bu, ni rien mangé depuis plus de 24 heures, s'apprête à passer une deuxième nuit sans tente et sans sac de couchage en plein cœur de la tempête, à plus de 6000 mètres d'altitude. Ludovic lui envoie des messages pour la rassurer, pour la forcer aussi à s'accrocher, à tenir. Épuisée, elle finit par s'endormir. Lorsqu'elle se réveille au petit matin, elle découvre ses pieds nus dans la neige. En fait, ce qui s'est passé aussi pour les pieds, c'est que j'ai eu des hallucinations en fait pendant la nuit. J'imaginais en fait qu'il y avait des personnes qui m'amenaient du thé chaud, des bouteilles d'eau chaude. Et à un moment donné, en fait, pour remercier cette personne, il y a une dame qui me dit « Mais est-ce que je peux prendre ta chaussure ?» Parce que voilà, je t'ai amené quelque chose de chaud, maintenant tu te sens mieux, donc est-ce que je peux prendre ta chaussure ? Et à ce moment-là, en fait, machinalement, je me lève, j'enlève ma chaussure et je lui donne ma chaussure. Et le matin, en fait, je me suis réveillée, j'avais simplement la chaussette, ma chaussure était tombée dans la crevasse. Et je regarde ma chaussette et je fais mais il s'est passé quoi ? Samedi 27 janvier. En début de matinée, la météo est mauvaise sur l'Himalaya. Une vague de brouillard empêche tout survol des montagnes. Il faut donc attendre le milieu de la journée pour qu'enfin les deux hélicoptères d'Askari Aviation viennent chercher les alpinistes polonais, Denis Rubko et Adam Bielecki, au camp de base du K2. Les appareils prennent ensuite la direction de la vallée du Gamir, avec en toile de fond sur l'horizon la cime noire du Nanga Parbat. Mais les conditions météo se détériorent de nouveau. Le vent rend dangereux toute approche de la montagne. Impossible pour les pilotes de voler au-dessus de 5000 mètres d'altitude et donc d'atteindre Elisabeth et Tomek. Après plusieurs tentatives d'approche, Roubko et Bielecki se font déposer au camp 1 à seulement 4800 mètres d'altitude. Il est déjà 17h30 et la nuit commence à tomber sur l'Himalaya. Les deux alpinistes polonais s'engagent alors à la lumière de leurs lampes frontales sur la voie Kinshofer. Face à l'urgence, ils prennent tous les risques et manquent à plusieurs reprises l'accident. 8 heures d'effort plus tard, dans la nuit noire, ils arrivent enfin au niveau du camp 2, à plus de 6200 mètres d'altitude. La suite, c'est Denis Roubko qui la raconte. J'ai entendu une très faible voix de femme. J'étais tellement content, j'ai dit à mon coéquipier, « Ça y est, Adam, on y est presque !» On l'a trouvé à 6000 mètres d'altitude, dans le noir. Je me suis approché en premier et j'ai vu cette femme dans la faible lueur de ma lampe frontale. Elle continuait de se battre pour descendre, pour survivre. Elle mérite un grand respect. Et on a décidé pour des raisons éthiques qu'il valait mieux descendre avec elle, avec Elisabeth Revol. Parce qu'il n'y avait quasiment aucune chance de sauver Tomek, alors que nous étions sûrs à 100% qu'Elisabeth allait survivre si on l'aidait. Denis Roubko et Adam Bielecki sont tous les deux des professionnels aguerris. Tomek, ils le connaissent. C'est un compatriote, un ami, un guerrier de la montagne, tout comme eux. Lorsqu'Elisabeth leur raconte l'état dans lequel elle l'a laissé dans la crevasse, alors les deux sauveteurs polonais comprennent qu'ils ne pourront rien faire. C'est terrible, mais c'est comme ça. Après toutes ces heures passées là-haut, sans équipement, sans eau, sans nourriture, Tomek est probablement déjà mort de froid et d'épuisement. Et même s'ils pouvaient le rejoindre, Denis et Adam savent qu'ils n'auraient aucune chance de le redescendre tous les deux sans l'appui des hélicoptères. Denis et Adam reconduisent donc Elisabeth jusqu'au camp de base. Épuisée, la jeune Française a de larges gelures noires sur les pieds et sur les mains. Elle est évacuée vers un dispensaire de campagne avant d'être rapatriée vers l'hôpital à Islamabad. Interrogé par téléphone sur France Inter, le docteur Emmanuel Cauchy donne des détails sur l'état dans lequel se trouve la jeune femme et sur les traitements qu'elle va devoir subir. Elle va bien, oui, elle est très contente d'être en vie, je pense. Psychologiquement, j'étais étonné car elle était assez en forme, en fait. Mais je pense que c'est aussi l'effet paradoxal de la survie et d'avoir pu être sauvée, quoi. On parle de risque d'amputation, de gelure importante. Comment on indique ce phénomène? Le problème de la gelure, c'est que le gel a tendance déjà à tuer un ensemble de cellules dans le tissu, simplement parce que ça fait exploser la cellule. Et puis, vous allez tuer une deuxième fois un autre réseau de cellules quand vous allez réchauffer. Parce que quand la cellule se réchauffe, elle libère des quantités de toxines. On a mis au point, là, depuis une vingtaine d'années, on a fait un gros protocole de recherche. On a donc un traitement qui fait référence dans le monde. Par contre, en Himalaya, c'est toujours beaucoup plus dur parce que les gelures sont déjà beaucoup plus sévères, profondes. Et le problème, c'est vrai, c'est que de ramener les gens, ça prend du temps. Et souvent, on a les Himalayistes au bout de 3 jours. Donc le traitement, on est obligé de le donner, mais c'est un peu trop tard. À son retour en France, une semaine plus tard, Elisabeth Revol donne une première conférence de presse à Chamonix. Des équipes de télévision du monde entier se donnent rendez-vous pour voir et écouter celle qu'on surnomme la survivante de l'Himalaya. Assise au bout d'une table, des bandages sur les mains et les pieds, le grand public découvre alors le visage d'une jeune femme mal à l'aise de cette célébrité qu'on lui fait endosser. D'ordinaire discrète et réservée, Elisabeth doit donc faire face à des regards, pour certains curieux, pour d'autres, inquisiteurs. Alors, elle se plie comme elle peut aux questions des journalistes. Et très vite, sa colère prend le dessus. On aurait pu sauver Tomek si les secours avaient été organisés correctement, lance-t-elle devant les journalistes médusés. Avant d'ajouter que, oui, elle a bien l'intention de retourner en montagne. Les médias et l'opinion publique attendaient les larmes, la tristesse et la compassion de la survivante. Il découvre à la place la rancœur et la froideur d'une petite femme au visage fermé, dont on apprend par la suite qu'elle avait déjà vécu un drame similaire par le passé. Oui, c'était en 2009. Elisabeth était déjà redescendue seule d'une ascension sur l'Annapurna, son compagnon d'alors étant mort de froid et d'épuisement. Sur Internet, la nouvelle de cette histoire macabre devient le moteur de toutes les conspirations et d'un déferlement de haine. On traite Elisabeth de veuve noire de la montagne. On l'accuse d'avoir abandonné Tomek. Des accusations et des critiques absurdes qui vont détruire le moral de la jeune alpiniste. Après plusieurs mois de silence, elle racontera son histoire dans le magazine Vertical. Elle racontera en détail tout ce qui s'est passé. Et elle conclura par ces mots: je dois désormais vivre avec cette dernière image de Tomek, sa voix rauque et cet espoir que je lui avais laissé. L'ascension du Langa Parbat était un rêve qu'Elisabeth et Tomek partageaient à deux. Désormais, Elisabeth doit porter seule le poids de leur drame. This dream I'm dreaming, won't you wake me up tonight? 'Cause this life I'm living doesn't really feel like mine. This strange dream never thought you would leave. I never thought I'd have to start again. Somebody wake me up. Don't you wish we were écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui l'ascension d'Elisabeth Revol et Tomek Makiewicz. Notre invité Yves Balu, bonjour. Bonjour. Historien de la montagne, je vous ai reçu plusieurs fois déjà, je crois, pour des histoires de montagne. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages de référence sur l'alpinisme. Votre dernier livre, qui s'appelle « La possibilité du vide », joli titre, est un roman à suspense qui nous plonge dans une aventure à très haute altitude. Évidemment, livre paru au mois de mars dernier chez Glénat. Alors, le récit d'aujourd'hui se concentre sur cette montagne du Nanga Parbat, dont le sommet dépasse les 8000 mètres. C'est un endroit rempli de pièges, on l'a dit, hein, sur lequel la moindre erreur peut coûter la vie. Comment pourriez-vous décrire cet endroit à nos auditeurs, peut-être de façon plus complète que ce qu'on a fait pendant le récit ? Vous l'avez déjà bien décrite. Bon, ça va, alors. Oui, oui. Excellemment décrite. Je pourrais compléter en disant que, évidemment, c'est un 8000 mètres situé au Pakistan, que aucune voie n'est facile au Nanga Parbat. Il y a des pentes très raides, des couloirs d'avalanche, beaucoup de morts. Et j'ajouterais que pour les alpinistes de très haut niveau, ils cherchent un enjeu, un challenge. Et dans une montagne, l'enjeu, c'est deux choses. Le challenge, c'est deux choses. C'est d'une part la difficulté pure, et là on est servi au Nanga Parbat, et d'autre part l'histoire qui fait que c'est une montagne qui parle et dont tout le monde connaît le nom. Et en l'occurrence, l'histoire du Nanga Parbat, elle est effectivement déjà riche en drames, et même la première ascension en 53 par l'Autrichien Hermann Bull était déjà un exploit formidable. Donc le Nanga Parbat, c'est un enjeu extraordinaire. Et on peut dire que c'est une montagne habitée finalement, hein, habitée de souvenirs et de pas qui ont été dramatiques pour les uns, glorieux pour les autres. Absolument, c'est une montagne qui a son histoire. Le même exploit sur montagne anonyme n'aurait évidemment pas le même retentissement. Alors, à chaque fois qu'on parle d'aventure en montagne, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais je vois qu'à chaque fois les conditions météo sont toujours très dures. Comme si la montagne avait cette espèce, peut-être pas une arme de défense contre les alpinistes, après tout, ils n'agressent pas, mais c'est toujours mauvais. Non, c'est pas toujours mauvais. Oui, on a l'impression que c'est souvent mauvais, que c'est vraiment un des éléments les pires à affronter. La montagne dont on parle, souvent c'est une montagne qui est mauvaise. C'est une mauvaise à la fois dans la difficulté et à la fois dans les conditions météorologiques. Mais il arrive que les conditions soient pas mauvaises. En ce cas-là, on en parle moins. Donc ce qui rend effectivement l'événement plus retentissant et plus médiatique en général. Les médias aiment bien ça. Mais c'est quand il y a une difficulté, voire un drame, à ce moment-là, on en parle. Et c'est souvent associé à des conditions difficiles, notamment de météo. Alors, on parle de style alpin, de méthode alpine, donc c'est quand même le sommet, si je puis dire, de la difficulté de partir sans assistance, sans oxygène, sans rien. Oui, quand je vous parle de challenge, à ce moment-là, le challenge est maximum, c'est-à-dire en style alpin, il n'y a pas de porteur, pas de charpa, pas d'oxygène, pas de corde fixe. Les cordes fixes sont très utiles pour la montée, mais surtout pour la descente. Et en particulier, quand quelqu'un qui a perdu la vue, il suffit de se laisser glisser le long de la corde et on n'a pas besoin de chercher son chemin. Et ça veut dire qu'on est en autonomie totale. Mm-hmm. Bon, cela dit, quand on parle d'autonomie totale et qu'on part avec un téléphone InReach avec lequel on peut non seulement parler à ses proches, on peut avoir la météo, voire lancer un SOS, je crois qu'on ne peut pas dire exactement, comme vous l'avez cité tout à l'heure, un exploit sans filet, en citant Gaston Rebuffat, parce que le téléphone satellitaire, c'est un peu un filet quand même. Oui, bien sûr. Enfin, on va dire que c'est quand même le minimum. On part quand même. Ces gens-là partent quand même avec l'acceptation. Et c'est pas du masochisme. Hein, c'est la recherche d'un exploit. Accepter quand même le plus dur du plus dur. Oui, mais avec éventuellement la possibilité d'appeler au secours. Bien sûr, Lancer un SOS. Alors, lorsqu'il arrive au sommet, Tomek est donc atteint de cécité, donc ça veut dire qu'il voit plus rien. Hein. L'ascension à de si haute altitude est-elle à ce point dangereuse pour la vue? J'avoue que j'ai été étonné par cet épisode-là. Alors, c'est dangereux, pas que pour la vue, c'est dangereux pour le oui, l'organisme. Bien sûr. À 8000 mètres, il reste plus que 20% d'air. Ça veut dire qu'on appelle ça la zone de la mort, parce qu'on ne peut y vivre que quelques dizaines d'heures, pas plus. On ne peut pas y rester, même quand on est acclimaté. On appelle ça l'hypoxie. Et en hypoxie, chaque effort est une souffrance et le cerveau lui-même ne fonctionne pas normalement. Il est comme anesthésié. On mesure plus le danger. Le cerveau ne fonctionne pas comme il fonctionne sur un sommet des Alpes, par exemple. D'où la difficulté de prendre des bonnes décisions. Vous voyez ce qui s'est passé avec Elisabeth, qui à un moment donné, elle a enlevé ses chaussures. Ça veut dire que, à un moment donné, son cerveau n'a plus fonctionné comme il aurait fonctionné à plus basse altitude. Mais c'est une difficulté, c'est l'hypoxie. Donc ça veut dire que ça altère les facultés de jugement, en plus. Absolument, ça altère les facultés de jugement. Et d'où la prudence quand on est là, dans un fauteuil, et qu'on juge les gens après une aventure comme celle-là. Nous, notre cerveau fonctionne bien. On n'est pas dans la situation où ils étaient quand ils ont pris leur décision. Donc c'est difficile, il faut être un peu humble par rapport à ça. Et quels sont les autres dangers pour la santé? Bon, il y a les gelures, bien sûr. Ah ben, il y a les gelures, il y a aussi l'édème cérébral, l'édème pulmonaire, enfin toutes les complications qui interviennent quand, alors soit quand on n'est pas suffisamment acclimaté, parce que quand on passe du temps à l'altitude, on fabrique des globules qui transportent, qui sont plus nombreuses à transporter l'oxygène dont on a besoin, soit quand on reste trop longtemps dans cette zone dite de zone de la mort, il y a sans doute une dégradation rapide de tout l'organisme et des fonctions de l'organisme. Et à partir de quelle altitude exactement ? Est-ce qu'il y a une référence précise ? Mais déjà au Mont Blanc, on peut être mal, on peut avoir le mal des montagnes. On n'est pas bien. Il y a des gens qui font des malaises même au Mont Blanc à 4800 mètres. Et puis évidemment plus on monte en altitude. Personnellement, je suis pas monté à plus de 7000, mais à 7000 déjà, j'étais pas bien. On perd le sommeil, on perd l'appétit et le cerveau est un peu anesthésié. Moi, je n'avais pas conscience du danger du tout quand j'étais à 7000 mètres. J'aurais fait à peu près n'importe quoi. Ouais, vous étiez sur un nuage, quoi. Oui, un peu. Ça plane, quoi. Dans les nuages. J'imagine évidemment que avant de monter ne serait-ce que 7000 mètres, comme vous l'avez fait, on se prépare physiquement. C'est quoi les grandes consignes d'une préparation physique avant de partir sur une telle expédition ? Qu'est-ce qu'on travaille particulièrement ? Alors, deux choses, enfin plusieurs choses. En tout cas, d'abord la condition physique. Bon, il suffit pour ça, comme tous les sportifs, de courir, de faire du vélo, etc. Ensuite, l'acclimatation. Alors, quand on a le temps, on va au camp de base, et puis depuis le camp de base, à 4000, 5000 mètres, on monte et on descend, on fait des allers-retours en haute altitude pour progressivement s'habituer à l'altitude et laisser à l'organisme le temps de fabriquer des globules. On peut même tricher. Moi, j'avais pas le temps, donc j'ai chez moi respiré pendant un mois et demi. Tous les jours, de l'air mélangé à de l'azote, et tous les jours, on augmentait la quantité d'azote. Comme ça, je respirais un air de plus en plus pauvre, et je me suis, comme ça, acclimaté artificiellement, et quand je suis arrivé sur place, j'ai pas eu de gros problèmes. Bien, on va continuer à parler de cette ascension dont on a proposé le récit avec quelques autres précisions. Après avoir écouté une alpiniste de la chanson Pomme, parce qu'elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, et elle passe aussi sous le séquoia. Avant la rivière a séché, avant que tout soit emporté, je veux retourner dans l'allée. Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois. Tourner dans respirer en entier pour une fois. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Yves Balu, dans les descriptions de d'exploits comme ça sur les hauts sommets, voire moins hauts, il y a comme il y a un éloge de la lenteur, parce qu'on marche lentement, on peut pas faire autrement. Il y a cette dimension-là dans l'alpinisme. Surtout dans l'himalaïsme, parce que dans l'alpinisme, vous savez, il y a des records à l'inverse. Oui. On est capable de faire le Mont Blanc depuis Chamonix aller-retour en moins de 5 heures. Enfin, ça a été réussi. Donc l'himalaïsme, exactement. En Himalaya, c'est plus compliqué parce qu'évidemment, on peut pas fournir un effort aussi long et à une telle altitude, on peut pas faire la même chose. Ce qui veut dire qu'on est réduit à aller lentement. Alors surtout quand on est en ascension traditionnelle, c'est-à-dire avec des camps successifs qu'on équipe, et des cordes fixes qu'on installe, tout ça, ça prend du temps, mais ça donne une certaine sécurité. Par contre, en style alpin, comme on dit, on est obligé d'aller plus vite, parce que on a moins de réserves de nourriture, on a moins d'équipement, parce qu'on porte soi-même son équipement, et du reste, pour l'assaut, ce qu'on appelle l'assaut, c'est-à-dire entre le dernier camp et le sommet, on part avec rien du tout comme équipement, quasiment, et il faut faire l'aller-retour dans la journée. C'est la difficulté, justement. Donc il faut effectivement accepter de prendre le temps tout en essayant d'aller le plus vite possible, parce que le temps aussi, on peut pas rester longtemps à cette altitude. Ouais. Alors il y a dans cette histoire qu'on a racontée quand même un hommage à appuyer aux alpinistes Rupko et Bielecki, qui sont donc polonais aussi, qui se sont portés sans hésiter au secours d'Elisabeth et de Tomek. C'est comme les marins, hein, il y a le même esprit, c'est-à-dire que les marins sur un bateau, s'ils voient d'autres marins d'un autre bateau en perdition, ne les laissent jamais. C'est un principe sacré. On a ça en montagne aussi, cette mentalité-là. Alors oui, il y a la même mentalité, mais parfois c'est encore plus difficile, parce que en l'occurrence, aller rechercher Elisabeth là où elle était, c'est un exploit extraordinaire. Et donc Elisabeth, elle doit sa vie à Denis Rupko et à Adam Bielecki, à leur générosité, à leur courage et surtout à leur incroyable qualité d'himalayiste. Et puis aussi un concours de circonstances exceptionnel. Ils étaient tous les deux à portée d'hélicoptère, équipés, acclimatés. Ils ont abandonné le K2 pour venir au secours d'Elisabeth et de Tomek. S'il n'avait pas été là. S'il n'avait pas été là, elle serait certainement pas revenue. Elle était incapable, à l'évidence, elle était incapable de redescendre toute seule. Et donc, elle ne serait pas redescendue. Ça, c'est une évidence. Comment expliquer s'il y a une affaire sensible là-dedans? Il y a peut-être le comportement des Pakistanais, l'attitude des autorités pakistanaises qui sont sans pitié avec le prix des hélicoptères. Faut payer avant. Comment expliquer ce comportement-là? Les Pakistanais sont habitués à voir des alpinistes où ils se disent, bon voilà, on va pas leur faire de cadeaux, quoi. Non. Moi, je serais moins sévère qu'Elisabeth n'a été avec les Pakistanais. Elisabeth qui, après son sauvetage, a dit qu'elle était en colère à cause de la lenteur des secours. Je trouve que c'est un peu difficile de dire des choses comme cela, parce que ça veut dire qu'on exige les secours. Quand on part comme ça en montagne, en autonomie complète, comme elle l'a fait, après ça, reprocher aux secours de ne pas avoir été assez rapide ou assez efficace, c'est un peu compliqué. Vous savez, beaucoup d'alpinistes partent en Himalaya, en expédition, en allant déposer, comme ça se fait en principe, $15,000 auprès de la société donc privée Ascari Aviation, en disant, au cas où j'aurais besoin d'un secours, voilà, je fais un dépôt de départ. Et puis on verra pas ça pour la facture. Comme ça, on s'assure en quelque sorte les secours. Donc ils l'ont pas fait, d'une part parce que je crois qu'ils n'avaient pas d'argent, et ensuite parce que ils n'avaient pas envisagé d'être secourus. Donc ça veut dire qu'après ça, quand on n'a pas fait ce qu'on fait habituellement pour s'assurer des secours en cas de besoin, à reprocher au secours après ça de ne pas avoir été assez rapide, c'est un peu difficile, je pense. Je n'irai pas jusque-là. Bien, en tout cas, ce sera le mot de la fin, puisque nous sommes arrivés au sommet, nous, de l'émission, c'est-à-dire à la fin de l'émission. Merci infiniment, Yves Balu, pour tous vos éclairages. Deux spécialistes, à bientôt peut-être pour une autre histoire montagnarde. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'ascension d'Elisabeth Revol, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Théo Gomard.